C'est à vous, ces beaux yeux-là ? Faustine gare sa voiture devant la boutique d'un opticien. Sur la vitrine, il y a une grande réclame pour des lentilles de contact Bausch & Lomb. Elle pousse la porte. Par chance, le magasin est désert. Le vendeur entièrement disponible. L'homme installe sa nouvelle cliente sur un fauteuil confortable. Il commence par examiner ses yeux, prendre des mesures et évaluer sa capacité visuelle. Après quoi, il ouvre une boîte de lentilles adaptée, lui montre vaguement comment faire, puis l'invite à les poser elle-même dans un petit cabinet attenant. Faustine déploie des trésors de patience devant le miroir, vide la moitié de la bouteille de solution saline sans parvenir à poser ses satanées lentilles. Chaque fois qu'elle en approche une de son œil, celui-ci cligne, rejetant l'intruse. Au bout d'une demi-heure, elle en a marre, abandonne son rêve. Minable, elle déclare au vendeur qu'elle se résigne à garder ses lunettes sur le nez. Heureusement, il ne la laisse pas tomber. Après l'avoir fait asseoir, il lui pose les lentilles lui-même en un tour de main. Et là, miracle ! Faustine voit ! Elle a des yeux tout neufs, ne ressent aucune gêne, comme si on lui avait greffé une nouvelle cornée. Le vendeur lui dit qu'elle peut laisser ses lentilles en place jusqu'à 3 semaines d'affilée. À son âge, nul besoin de les nettoyer tous les soirs. Humidifier l'œil avec le produit suffit en cas de besoin, mais elle constatera vite que ce n'est pas fréquent. Souvent, un simple bâillement, provoqué ou non, fait l'affaire. Faustine se confond en remerciements et range ses lunettes définitivement. Il est désormais inimaginable qu'elle les remette. La jeune femme rentre chez elle, soulagée de quelques dizaines de dollars. C'est fou cette impression d'être devenue une autre. Fini l'anonymat derrière ses carreaux protecteurs. Dorénavant, il va lui falloir s'assumer telle qu'elle est. À la maison, elle trouve un courrier de Maxime. Il arrive demain à 17h30 à Delos. Juste à temps pour filer jouer à Annapolis avec l'orchestre qu'il a intégré depuis peu. Si Faustine pouvait se munir d'une chemise propre quand elle viendra à l'aéroport, ça l'arrangerait bien. Ils se rendront ensemble à la soirée. Elle prend note, se réjouit de son retour, même s'il faut d'abord en passer par la case publique. 3 semaines sans Maxime, ça finit par être long. La première passe encore, elle rumine ses griefs, sort et noie ses ressentiments. La seconde semaine, elle se remet entièrement en question, se trouvant tous les défauts. La troisième, son homme commence à lui manquer sérieusement. Elle lui trouve soudain toutes les qualités et éprouve quelque chose qu'elle prend pour de l'amour. Est-ce que ce serait la recette d'une relation durable ? Faustine se réjouit de raconter ses dernières aventures. Elle va l'accueillir avec de bons petits plats et surtout du pain frais maison. Voilà qui remplacera avantageusement ces affreux pains de mie proposés partout sans espoir de variation. Warrenton n'ayant pas de boulangerie digne de ce nom, on ne trouve de vraies baguettes qu'à Washington, à 1 heure de route. Elles sont livrées chaque jour via Concord et bien sûr inaccessibles à la plèbe. En conséquence, Faustine se procure de la farine et de la levure. Elle tente sa recette habituelle. Hélas, si le pain lève correctement sous son linge à proximité d'un radiateur, une fois dans le four, il retombe à l'état de galette. Après plusieurs essais, déçue, frustrée, elle jette son travail à la poubelle et recommence. Rebelote, même échec. Elle passe 4 heures en vain. Il lui faut de l'aide. Oui, mais de qui ? Appeler sa mère ? Non, tout de même. D'autant qu'il fait nuit en Europe à 7 heures. Quant à Colline, elle n'est pas du genre à confectionner son pain elle-même. C'est alors que Faustine pense à Judy. Elle, au moins, comprend son accent et parle correctement. Judy l'accueille avec beaucoup de gentillesse à l'épicerie, lui offre un café dans son arrière-boutique. Faustine développe son problème. Judy lui explique que la farine, comme beaucoup de produits ici, est enrichie, ce qui veut dire qu'on lui rajoute du fer, du magnésium, de la vitamine C. En clair, tous les éléments qui ont été détruits par l'abus de pesticides et plus encore, histoire de justifier l'augmentation du prix de revient. C'est pourquoi, quand on y mélange de la levure, il est nécessaire de pétrir le pain deux fois et de le faire lever au temps, après quoi il réagira normalement à la cuisson. Que Faustine ne l'oublie pas, trop de levure est aussi néfaste que pas assez et donne sensiblement le même résultat. Judy précise que le chlore, neutralisant ladite levure, il serait judicieux que l'apprenti boulangère la dilue dans de l'eau cuite tiédie. Faustine est très reconnaissante pour toutes ces informations. Avant de partir, elle se ruine en fromage. Judy est la seule ici à vendre du gruyère. Il propose à sa nouvelle amie d'apporter des truffes au chocolat confectionnées par elle-même. Toujours à l'affût de nouveautés, Judy accepte volontiers. Elle conseille à Faustine de se procurer le livre de cuisine best-seller de tous les temps, Joy of Cooking. Toutes les manières de faire son pain, avec les ingrédients et moyens du pays, y sont détaillées. D'accord. La jeune femme l'achètera sitôt qu'elle en aura les moyens. Quelques heures plus tard, Faustine réussit son premier pain mangeable sur sol américain. C'est mieux que de marcher sur la lune, non? Maxime va désormais savourer des petits déjeuners consistants. Pour que la fête soit complète, elle lui a trouvé du bacon, des œufs frais, du jus d'orange et même des yaourts dégraissés. La jeune femme ignore que cette histoire de petit déjeuner pantagruélique, si prisée dans les pays anglo-saxons, n'est qu'une entourloupe commerciale de plus. Les marchands de porc du XIXe siècle ont simplement fait passer le message, par le biais du corps médical à la papate judicieusement graissée, qu'un petit déjeuner solide était indispensable à un bon équilibre. Et voilà, le tour était joué. Quelques années plus tard, l'industrie pharmaceutique fera des profits démentiels avec des médicaments anti-cholestérol. Gagné sur toute la ligne. Nonobstant ces détails, son caddie plein, Faustine continue sa route. Elle n'est pas concernée. Pour elle, le petit déjeuner se limite, et pour longtemps, à un café plus une clope ou deux. Il est pile 17h50 quand elle retrouve Maxime à l'aéroport de Delos. T'as changé ta couleur de cheveux? Pourquoi pas? Mais ça te durcit le visage, je préfère la tienne. Moi aussi je t'aime, mon chéri. Il n'y a pas que là que j'ai changé. Et toi, tu as fait bon voyage? Excellent. Qu'est-ce que tu as d'autre de différent? Ah oui, tes lunettes. Exact. Je me suis offert des lentilles de contact. Et tu les supportes bien? Comment tu les as payées? Avec le chèque du loyer. Il faudra que tu le refasses d'ailleurs. Mais oui, jusqu'à présent, en tout cas, je les supporte bien. Elle me change la vie, c'est incroyable. Je peux éplucher des kilos d'oignons sans pleurer. Maxime rit un peu jaune quand même, rapport au chèque du loyer. Mais il prend sur lui. Formidable, moi aussi j'ai une surprise pour toi. Un camembert! Tu as réussi à le passer! C'est fabuleux! Il ira très bien avec le gruyère que je viens de nous acheter. Et sinon, tout s'est bien passé en France? À peu près. Le divorce est quasiment une affaire classée. J'ai juste eu une mauvaise surprise quand j'ai voulu clore le crédit pour la maison avec un peu d'avance. Ils m'ont taxé 10 000 balles de plus, ces requins. Tu parles? Ils n'allaient pas se priver de 6 mois d'intérêt juste parce que tu divorces, non? Oh, monde cruel de la banque! Non, bien sûr que non. Bref, c'est désormais terminé, ces histoires de gros sous. Grâce à ma mère, ou plutôt à son argent. Dans 3 mois, je serai libre, mon amour. Et tes filles vont bien? Merveilleusement. Après la période difficile des débuts, elles ont compris que je ne les laisserai pas tomber et semblent avoir pris leur parti du divorce. D'ailleurs, j'ai invité Daphné à passer le mois de juillet ici. Mon aînée est assez grande désormais pour voyager sous la seule supervision d'une hôtesse. Là-dessus, ils arrivent devant la taverne du vieux Washington. Maxime a juste le temps de se changer dans la voiture avant d'aller jouer. Faustine fait connaissance avec les musiciens de ce nouvel orchestre, ainsi que leurs épouses. Comparée aux musiciens français spécialistes des concours d'éloquence, elle les trouve terriblement ringards, mais malgré tout très attachants. Ce soir, Marc, le chef trombone, est venu avec sa femme, Betty. Tous deux ont la cinquantaine. Ils traversent une mauvaise passe. Atteinte d'un cancer, Betty doit subir un traitement lourd et se voit condamnée à porter une poche d'évacuation. Marc rigole. Il prétend qu'elle n'a jamais été aussi sexy. Ces deux-là dégoulinent d'amour inconditionnel. Comme si les aléas qu'ils traversent ne suffisaient pas, Marc vient de perdre son job. Le couple est en train d'imaginer sa reconversion, aussitôt que Betty en aura terminé avec sa chimio. Sans savoir dans quel domaine exactement, ils envisagent de monter leur propre entreprise. En attendant, ils font le ménage chez leurs amis afin de gagner un peu de blé. Entre ses travaux ponctuels et les concerts, ils s'en sortent plutôt bien. Voilà un cas typique de résilience à l'américaine, se dit Faustine. Elle qui ne connaît depuis toujours que l'amour au mérite, les envierait presque. Assise face à l'orchestre, un verre à portée de main, Faustine savoure la musique en rythme, se laisse bercer. Sweet Georgia Brown, Chicken Baby, Comes Love, All of Me, Egyptian Fantasy. Elle rêve au champ de coton de Caroline du Sud, à la case de l'oncle Tom, à Huckleberry Finn qu'elle trouve bien plus mignon que ce petit bourge de Tom Sawyer. Par moments, elle s'identifie à Scarlett O'Hara qu'elle a adorée dans Autant en emporte le vent. Or, Maxime a beau déployer tout son talent artistique, il y a loin de la coupe aux lèvres. Sa ressemblance avec Clark Gable n'est pas évidente. Quand on remplace 1m80, des biceps pleins de manches, par 1m70, la donne n'est pas comparable. Tout compte fait, la musique de ce Big Bang, si bon soit-il, ne vaut pas aux oreilles de Faustine celle qui l'a séduite dans une cave new-yorkaise la première fois qu'ils sont venus aux USA. Si vous voulez son avis, les Blancs ont du chemin à parcourir pour égaler les Noirs dans ce domaine. Oh, elle ne renie pas Glenn Miller ni Benny Goodman, voire Artie Shaw et toutes les grandes pointures du genre. Mais elle a le vague sentiment qu'il joue un jazz de récupération, un peu trop lisse à son goût. Pour Faustine, le jazz doit être brut. C'est Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, Billie Holiday, Scott Chaplin et tous les autres de leur race. Le jazz, c'est noir, un point c'est tout. Selon le sens éthique de Faustine, très personnel, on l'aura compris, on n'a pas le droit de voler cette musique qui n'appartient qu'aux esclaves, issus de leur sang, de leur sueur et de leurs larmes pour la transformer et la revendre en bruit de fond destiné aux colonisateurs qui hantent les salons de thé et les dancing à la mode. Trop ignorante pour soutenir une argumentation valable, Faustine ne le dit pas, bien sûr. Lâchement, elle applaudit, comme tout le monde, les nouveaux amis de Maxime, ces braves blancs qui ne pensent pas forcément à mal, s'imaginant au contraire rendre hommage. Pendant la pause, Marc et Betsy encouragent vivement Maxime et Faustine à aller admirer les cerisiers, qui seront bientôt en pleine floraison. En effet, avril à Washington, où a débuté le Cherry Blossom Festival, Hanami en japonais. Il bat son plein chaque année depuis le dernier samedi de mars. Marc raconte que ces arbres ont été offerts par l'empereur du Japon à l'Amérique en 1912, afin d'améliorer l'amitié naissante entre leurs deux pays. « Surtout ne manquez pas ce spectacle », conclut-il. Faustine pense au 7 décembre 1941 et aux bombes japonaises sur Pearl Harbor. Gage d'amitié ? Au lendemain de cette jolie soirée, Faustine accompagne Maxime au bureau. Cette fois, elle entre avec lui dans le bâtiment. Alors qu'il rejoint son poste de travail, non sans l'avoir présenté à l'agent féminine, elle prend le temps de bavarder avec les secrétaires et la comptable. Personnages principaux en nombre, mais non en puissance, de cette entreprise patriarcale. Faustine rencontre enfin la fameuse Jean qui l'a remplacée une ou deux fois dans le lit du maître. Jean est une brunette piquante, beaucoup plus âgée qu'elle. Quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais accuser Maxime de pédophilie. Il ne la trompe qu'avec des vieilles. Le contact entre les deux rivales se fait immédiatement. Bonne joueuse, elles s'en vont bras dessus, bras dessous, déjeuner ensemble au diner du coin, naissant là leur don juan de pacotille. Pendant le repas, fameux ces T-Bones, Jean avoue regretter d'avoir succombé aux avances de Maxime. Si elle avait su à quel point Faustine était sympathique, jamais elle ne l'aurait trahi. Et sa nouvelle amie peut en être certaine, elle ne remettra pas le couvert. Tragon. Don't sit under the apple tree with anyone else but me. Anyone else but me. Anyone else but me. No, no, no. Don't sit under the apple tree with anyone else but me. Till I come marching home.